La luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para todos la luz, para todos todo. Nuestra lucha es por hacernos escuchar y el mal gobierno grita soberbia y tapa con cañones sus oídos. Nuestra lucha es por un trabajo justo y digno y el mal gobierno compra y vende cuerpos y vergüenzas. Nuestra lucha es por la vida y el mal gobierno oferta muerte como futuro. Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, hoy, nuestras exigencias. Radio Mon Pays, il est 19h02 et c'est bien Bloodatroots malgré ses premières paroles en espagnol. Bloodatroots, from fills to gills. Bloodatroots, donc une émission particulière, on vous en parle tout de suite après le premier morceau, qui va faire lien avec le thème principal de Bloodatroots, c'est-à-dire les droits civiques afro-américains, la musique afro-américaine, et le thème de l'émission de ce soir. C'est donc We Shall Overcome, chanté par Toots and the Metals. Overcome. Donc comme je vous le disais, cette chanson va faire le lien entre le thème de Buddha Truths et le thème de cette émission, une émission particulièrement révolutionnaire. Ou... Plutôt autour de chants de lutte. Alors, pour préciser la différence, qu'on soit bien clair sur ce qu'on va passer et ce qu'on va entendre les auditeurs. Donc ce soir, le thème, ça va être les chants utilisés dans différentes luttes autour du monde. Donc beaucoup sont des chants toujours vivants qui résonnent dans les manifestations actuelles autour du monde. Ce sont des chants notamment qui ont eu plusieurs vies, avec de nombreuses reprises ou adaptations. Donc, par exemple, si je peux me permettre, We Shall Overcome, qui à la base était le chant pour les droits civiques des Afro-Américains, alors chanté par, popularisé par John Baez, mais qui a été repris notamment par les Toots. Et à l'origine, c'est Seeger, Bob Seeger qui l'avait chanté, qui l'avait écrite. Pete Seeger. Ouais. Pete Seeger, excusez-moi. Et donc à la base, pour la lutte pour les Afro-Américains, puis après c'est devenu la chanson emblématique de la lutte contre la guerre du Vietnam. Alors après c'était repris dans d'autres pays, mais donc elle a eu plusieurs vies effectivement. La version qu'on a passée est une version reggae, donc c'est pas du tout la version originale. Et justement on a fait le choix dans cette émission de ne pas passer les versions originales, parce que comme c'est des chansons qui ont eu plusieurs vies, on a choisi de plutôt faire découvrir des reprises qui sont parfois étonnantes, comme c'est des versions reggae, et il y en aura d'autres. Et au total, on aura à peu priori 17 langues différentes dans cette émission. Est-ce qu'on dit un petit mot sur la composition de l'émission de ce soir? Qui est où? Qu'est-ce qui se passe? Oui, alors ça c'est bien de préciser, parce qu'il faut savoir que c'est une émission sur une lutte révolutionnaire. C'est aussi la révolution dans le studio, parce que en fait, d'habitude, donc Benoît qui a les techniques, et ben, c'est Benoît qui a fait l'émission. C'est ça. Qui a réfléchi à l'émission, au thème de l'émission, qui a fait l'émission. Pierre-Julien, qui d'habitude fait les émissions, fait les playlists, et ben, il se retrouve à la technique. Donc ben, moi, en tant que conservateur, je suis totalement perdu. Il va falloir que je retrouve mes petits. Et puis deux invités. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Aurélie et Isabelle, qui vont intervenir sur quelques chansons pendant l'émission. Et donc, comme il y a beaucoup de chants différents dans différentes régions du monde sur, en gros, un siècle et demi, on va faire un ordre plutôt chronologique. On va commencer au début du XXe siècle pour finir avec une dernière chanson, avec des chansons qui ont été écrites il y a une semaine, quoi. Donc, on commence tout de suite en 1893 sur la Varsovienne, qui est un chant polonais écrit par le poète Vaclav Zwicki, désolé pour cette prononciation hasardeuse. Ce chant est un chant de protestation des internés sous le régime du tsar russe, sachant qu'à l'époque, la Pologne est une possession russe et le restera jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et ce chant est également beaucoup chanté pendant la période révolutionnaire de 1917. C'est un chant de marche comme il y avait beaucoup en Russie à l'époque, soit pour donner le rythme lors des déplacements des armées, soit dans un cadre non militaire pour rythmer un travail. Cette tradition puis ses origines dans les chants populaires russes, qui sont à la fois simples et qui portent un élan grandiose, ce qui fait qu'on est séduit par leur simplicité et leur côté un peu exaltant, quoi. Le texte est très simple, hein, il explique la situation en Russie sous le régime du tsar, des conditions de vie difficiles, la misère, la famine. Et la seule solution pour combattre l'inégalité est de s'unir et d'être prêt à mourir pour faire triompher la justice. Alors ce chant a été... repris et très célèbre en Espagne, puisqu'en 1933, le chanteur espagnol Valeriano Orobón Fernández reprend ce chant avec des paroles espagnoles sous le titre « A las barricadas ». Et juste après 1933, en 1936, a lieu le coup d'état du général Franco en Espagne. La Confédération nationale du travail, la CNT, qui est une organisation anarcho-syndicaliste, prend ce chant comme hymne pour appeler le peuple de Barcelone aux barricades. La CNT est alors la plus importante confédération syndicale avec 1,5 million d'adhérents. Et ses militants sont les premiers à se rendre sur le front pour arrêter les progressions des troupes franquistes. Donc la version qu'on va vous passer est interprétée par El Comunero, un groupe toulousain que j'ai eu la chance de voir dans un bar à Toulouse, interprétant presque exclusivement des chants de la guerre civile espagnole. Et la Varsovienne est quant à elle interprétée par les chœurs de l'Armée Rouge. Donc tout de suite, ces deux chansons. Thank you. sem dinde me, aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos manda el deber. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y con valor, hasta la bandera revolucionaria. Querer triunfo sin cesar no lleva en pos, hasta la bandera revolucionaria. Querer triunfo sin cesar no lleva en pos. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos empiden en vera, aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo las manda el deber. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y con valor, hasta la bandera revolucionaria. Querer triunfo sin cesar no lleva en pos, hasta la bandera revolucionaria. Querer triunfo sin cesar no lleva en pos. On reste en Russie, cette fois-ci en 1919, avec Les Partisans, qui est un chant traditionnel russe, dont le véritable nom est la marche du régiment Drozdovsky. Cette musique a été utilisée avec des paroles différentes pendant les deux camps de la guerre civile russe, qui a suivi la révolution de 1917. Donc l'armée rouge qui combattait pour les bolcheviks et les armées blanches fidèles au tsar. Il y a des différences notamment sur l'appel aux armées. La version de l'armée rouge évoque l'appel de Lénine, tandis que la version de l'armée blanche évoque l'appel de Denikin, un général de la Russie tsariste. Ce chant fut également très utilisé par l'armée rouge lors de la Seconde Guerre mondiale. C'est justement en pleine révolution bolchevique que naît une certaine Anna Marley en 1917, en Russie, issue d'une famille de la noblesse de Saint-Pétersbourg. Son père y est fusillé alors qu'elle n'a pas un an. Anna Marley quitte alors la Russie avec sa mère pour s'installer en France, puis elle fuit la France en 1940 pour l'Angleterre, où elle travaille au quartier général des forces françaises libres. C'est là, en 1941, qu'elle compose le chant des partisans, inspiré du chant russe des partisans, avec des paroles en russe. Anna Marley raconta un jour ce qui l'inspira, alors qu'elle est en train de lire dans un journal anglais le récit de la bataille de Smolensk, qui a marqué l'arrêt de l'offensive allemande sur le front de l'Est. Elle songe avec une grande émotion à sa terre natale, la Russie éternelle, et lui revient en mémoire le mot « partisan ». Elle chante son chant le soir au quartier général des forces françaises. Et un jour, dans le public, se trouve un certain Joseph Kessel. Il l'entend et s'exclame « Voici ce qu'il faut pour la France ». Avec son neveu Maurice Druon, il écrit alors des paroles en français. Cette chanson est alors choisie comme générique de l'émission « Honneur et patrie », qui est diffusée sur la BBC. Et ce chant des partisans devient rapidement l'hymne de la résistance française. Appel à la lutte fraternelle pour la liberté. Sifflé, il devient aussi un signe de reconnaissance des partisans dans les maquis. Le fait de le siffler présentait l'énorme avantage de pouvoir être reconnu malgré le brouillage allemand. Donc tout de suite, on va écouter le chant des partisans, interprété en 1997 par Les Motivés, un collectif musical toulousain, et Les Partisans, interprété par les chœurs de l'Armée Rouge. Motivé, motivé, motivé. Spécialement dédicacé à tous ceux qui ont résisté. Maintenant, on passe en Allemagne, en 1933. Donc, en 1933, en Allemagne... Belle année. Belle année, oui, effectivement. A lieu l'incendie du Reichstag, qui est le Parlement allemand. Donc, Hitler fait porter alors le chapeau sur les communistes, puisque c'est un jeune communiste qui a incendié le Parlement. Tchèque, non ? Hollandais. Hollandais ? Hollandais, oui. A priori, il a été manipulé par les nazis dans un but de prendre le pouvoir. Mais Hitler en profite pour promulguer des lois spéciales et envoie de nombreux communistes dans des camps de concentration, notamment à Bürgermoor, où trois prisonniers communistes y écrivent et composent le chant des prisonniers, ou chant des marais. Ce chant, destiné à être chanté en présence des gardiens et des SS, rendait compte de la volonté des détenus, de leurs conditions de vie, des violences subies, mais aussi de leur espoir d'être libérés. Bien plus tard, en 1971, ce chant, surtout la musique en fait, a servi d'inspiration pour une lutte très différente. Le mouvement de libération des femmes est un mouvement féministe qui revendique la libre disposition du corps des femmes et remet en question la société patriarcale. Lors d'une réunion informelle du mouvement, la dizaine de personnes présentes coécrivent un texte sur la musique du chant des déportés. La chanson a été écrite pour être entonnée lors du rassemblement du 28 mars 1971 en mémoire des femmes de la Commune de Paris qui s'est déroulée pile un siècle auparavant. Sans que ce soit vraiment l'objectif initial, cette chanson va par la suite devenir l'hymne du mouvement et même plus généralement des luttes féministes francophones. Cette musique a donc servi à deux luttes vraiment très différentes, mais un événement va lier ces deux luttes dans une anecdote vraiment émouvante. Lors de la cérémonie d'hommage pour l'enterrement de Simone Veil au Panthéon, c'est le chant des déportés qui a été interprété, en référence à sa déportation dans le camp de concentration d'Auschwitz. Mais c'est aussi vraisemblablement un clin d'œil au féminisme et au mouvement de libération des femmes, puisque Simone Veil est à l'origine de la loi autorisant l'avortement en France. Donc on va vous passer tout de suite une version écrite en 2012 par le groupe punk allemand Die Totenhosen, ainsi qu'une version de l'hymne des femmes enregistrée en 2018 par le collectif 39 Femmes. T'as fait allemand première langue, Benoît ou... C'est ça, mais je ne parle plus rien maintenant. Non, mais il l'a fait à tout le monde, moi. C'est avec l'anglais, toi, c'est avec l'allemand. Mais on l'aura un jour. Wohin auch das Auge blickt, Moor und Heide nur ringsum. Eichen stehen kahl und krumm. Wir sind die Moorsoldaten und ziehen mit dem Schwarten ins Moor. Hier in dieser Après l'ascension au pouvoir d'Hitler, la situation des mouvements de gauche en Allemagne se détériore considérablement. Quand les nazis interdisent les partis communistes et socialistes, ainsi que les syndicats au cours de l'été 1933, de nombreuses personnes pensent que seul un front uni permettra de contre-attaquer le nazisme. En 1934, Berthold écrit, excusez pour mon allemand, Einheit Frontlied, le chant du front uni, appelant tous les travailleurs à rejoindre le Front uni des travailleurs. La chanson est interprétée l'année suivante lors des premières Olympiades musicales des travailleurs à Strasbourg, par un chœur de 3000 travailleurs. Puis en 1936, lorsque la guerre civile éclate en Espagne, suite, comme on en a parlé tout à l'heure, au coup d'État du général Franco, des volontaires du monde entier, 50 nationalités différentes, prennent les armes pour défendre la République espagnole et forment ainsi les brigades internationales. Le premier enregistrement du chant du Front uni a alors lieu en 1937 à Barcelone en quatre langues, une pour chaque strophe, reflétant ainsi le pluralisme des nationalités dans les brigades internationales. Allemand, espagnol, français, anglais. Oui, alors, Stéphane. Je voulais passer faire un petit hommage rapport à la guerre d'Espagne, parce qu'il n'y a pas très longtemps, il y a le chanteur d'un groupe qui s'appelait Caméra Silence qui est décédé. Alors, pourquoi le lien avec la guerre d'Espagne? C'est Caméra Silence, c'était le nom des cellules dans lesquelles étaient enfermés les combattants de l'armée républicaine. Et ce chanteur de ce groupe punk de Bordeaux a une histoire assez, révolutionnaire, pour le coup, puisqu'il avait été avec son groupe, ils avaient braqué un fourgon, donc ils étaient quand même assez connus, hein, Caméra Silence, dans les années 80, ils avaient braqué un fourgon à Toulouse. Il était parti avec l'argent. Il était revenu il y a 2 ans. Il s'est expatrié au Portugal, en Espagne. Il était revenu il y a 2 ans. Et il est décédé il y a quelques mois. Donc voilà, c'est un petit hommage à ce groupe qui était pas mal. Hein. Punk reggae, bon groupe. Alors j'ai une petite question. Je vais faire le béotien. Mais As-tu demandé l'autorisation ? Tu parles d'une lutte qui mobilise quand même des gens venus du monde entier. Oui. Est-ce que c'est l'une des premières luttes où justement on voit des afflux de personnes du monde entier, ou alors il y a déjà eu d'autres choses avant finalement Une lutte qui a impliqué autant de personnes différentes, il me semble que c'est la première fois dans l'histoire que des volontaires comme ça se mobilisent dans le monde entier. Il y a des volontaires vraiment de tous les pays, il y a des artistes, Orson Welles. Après il y a eu des artistes, après est-ce que le nombre de volontaires était si... Je sais pas. Ouais, on ne sait pas. Non, c'est plusieurs milliers, mais je ne sais pas combien c'est total. Parce qu'on entend parler, parce que justement, il y avait des artistes, et puis il y avait des écrits aussi. Il y avait des écrits, quoi. Les premières fois où, justement, il y a eu une guerre qui était... Relayée par les élites, en quelque sorte. Qui était vécue, pas en direct, mais pas loin, avec beaucoup de rendus. Et après, le nombre... Je ne saurais pas dire, là, comme ça, le nombre. Bah, alors, tes questions, on te fait la technique, aujourd'hui. Oui, pardon. Donc, sur les traces de l'artiste allemand, le groupe catalan de folk rock Every Night a également enregistré en 2016 la chanson en 4 langues. Comme la version originale, mais dans les 4 langues officielles de l'Espagne actuelle, donc l'espagnol, le catalan, le basque et le galicien. Pour cela, Every Night chante en catalan, et il a eu les collaborations pour la partie galicienne de Daki Daria, pour l'espagnol de Malfalda, et pour le basque de Hunza. Je vous conseille vivement d'écouter le groupe Hunza, c'est un groupe de folk rock basque, et moi je suis vraiment fan, c'est un petit hommage au passage. Donc on va vous faire écouter cette version, ainsi qu'une version entièrement en allemand, interprétée par Hannes Wader en 1977. Décidément. Und weil der Mensch ein Mensch ist und braucht er was zum Essen, bitte sehr. Es macht ihn kein Geschwätz, nicht satt, das schafft kein Essen. Und Schuh, es macht ihn kein Geschwätz nicht warm und auch kein Trommeln dazu. Drum links, drum links, wo der Platzgenosse ist, reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist. Und weil der Mensch ein Mensch ist, hat der Stiefel im Gesicht nicht gern. Er will unter sich keinen Sklaven sehen und über sich keinen Herrn. Drum links, drei, drei, drum links, drei, drei, wo der Platzgenosse ist, reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist. Und weil der Prolet Prolet ist, drum kann ihn auch kein anderer befreien. Es kann die Befreiung der Arbeiter nur das Werk der Arbeiter sein. Drum links, zwei, drei, drum links, zwei, drei, wo der Platzgenosse ist, reih dich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil du auch ein Arbeiter bist. Aquí, les milicianes, que batallem la vida sense por. Portem un món nou i lliure, sense Déu, rei ni patró. Pues un, dos, tres, pues un, dos, tres, compañero, en tu hogar. Porque eres del pueblo, afiliate ya en el Frente Popular. Hey! Un mundo vermello e negro. Pues un, dos, tres, pues un, dos, tres, compañero, en tu lugar, porque eres del pueblo, afíliate ya en el Frente Popular. Lucha, lucha con gran tesón por nuestra emancipación, reforzando las vidas con ilusión en el Frente Popular. Los frentes contra el fascismo siempre hay que actuar. Serás libre, compañera, con nosotras a luchar. Pues un, dos, tres. Pues un, dos, tres. Compañero, compañera, en tu lugar. Porque eres del pueblo, afíliate ya en el Frente Popular. Grassroots, spécial chant de lutte concocté par Benoît. Et ben on continue dans l'ordre chronologique, on remonte le temps. Et direction maintenant l'Italie fasciste avec le chant Bella Ciao qui a été écrit pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors ce chant, il trouve son origine au début du XXe siècle parmi les mondines, des ouvrières saisonnières qui travaillaient dans les rizières en Italie. Les paroles, elles expriment une protestation contre leurs conditions terribles de travail. Alors en effet, ces femmes devaient rester courbées toute la journée, dans l'eau jusqu'aux genoux, sous le regard et les brimades des surveillants. Les paroles célèbres célèbrent la victoire de la lutte sociale qui a abouti en 1908 à l'instauration d'une loi qui limite le temps du travail journalier à 8 heures. Donc « Ciao Bella » représente un salut, un adieu à la mondine d'avant, obligée de travailler sans limite. Bella Ciao est donc initialement un chant féministe. En 1944, d'autres paroles sont collées sur le chant, en s'inspirant d'une autre chanson populaire italienne, « La fleur de tombe », qui devient alors la fleur du partisan. Le partisan chante alors le salut qu'il adresse à sa bien-aimée avant d'aller combattre les fascistes. Bella Ciao va progressivement s'imposer contre l'hymne de la résistance italienne. Cette chanson est depuis devenue un hymne à la résistance dans le monde entier. Merci Aurélie. En 1917, le succès planétaire de la série « La Casa de Papel » qui raconte le braquage de la Banque d'Espagne, remis au goût du jour et popularise Bella Ciao. Beaucoup de supporters du monde entier se réapproprient alors Bella Ciao pour soutenir leur équipe. Mais plutôt que de simplement remixer Bella Ciao, un groupe de supporters d'une équipe de foot d'Alger s'est servi du thème de la série pour critiquer le pouvoir en place. Ainsi, l'organisation du braquage se transforme en une critique du détournement d'argent public par l'entourage du pouvoir algérien, et notamment le président, qui siège dans le palais d'El Mouradia, d'où le nom du chant, la Casa del Mouradia. Dès son lancement, ce chant est repris par tous dans les immenses manifestations algériennes de 2019. En 2019 toujours, tout récemment en Irak, une première vague de manifestations a lieu depuis le 1er octobre. Les manifestants protestent contre la corruption, le chômage, et appellent à des réformes et à un changement de gouvernement. Le mouvement s'étend de la capitale Bagdad aux régions chiites du sud du pays. On compte actuellement plus de 300 morts et des dizaines de milliers de blessés. Et ce n'est que le début. Mais dans le nord du pays, en particulier autour de Mossoul, majoritairement sunnite, les habitants disent que s'ils descendaient dans les rues, la répression chez eux serait bien pire. Les protestataires sont en effet souvent accusés d'être des djihadistes ou des partisans du dictateur déchu Saddam Hussein, un sunnite originaire de cette région. L'artiste Mohamed Bakri décide alors de soutenir les manifestations à sa façon. Il adapte la chanson Bella Ciao, qui devient alors Blaya Chara, qui veut dire pas d'issue en arabe. Tout est fait dans l'urgence pour le clip, pour dire aux manifestants ailleurs dans le pays qu'ils sont de tout cœur avec eux. En 12 heures, le clip est tourné avec sa troupe. Ils utilisent les codes de la série espagnole La Casa de Papel, en combinaison rouge, avec des masques de Dali couvrant leur visage. Ils entendent des paroles comme « Justice pour les martyrs », »,« Pas de chauffage », »,« Pas un sou en poche ». Et surtout, Mohamed Bakri réussit à poster la vidéo en ligne entre deux soi-disant coupures d'Internet. Mais c'est en fait Bagdad qui ferme les robinets du net à plusieurs reprises depuis début octobre. Et la vidéo de la petite troupe a alors rapidement connu un succès en Irak. Donc tout de suite, on va vous passer la version algérienne et la version irakienne inspirée de Bella Ciao. Oh, شفته والدار سعفته وضعيتي كفته بليت شارة حصتي سلبوني اسمي نساني دمعت عيوني بليت شارة بوقي مسلوبة وضعيتي طوبة ما عندي صوبة بليت شارة دعيني مغلس والجيب مفلس جائل من أدرس بليت شارة رزقي سلبوني حقي باقوني ميت تصدقوني بليت شارة إخواني راحوا نسواني صاحوا ولدنا طاحوا بليت شارة الوضع خابط مستقبل صار بليت شارة والحل فهموني راح يعلسوني الظهر وحجي بليت شارة سلمي يا رايي والحجي زاهد ضربوه وقاعد ماكو شارة وطني يتعافى عيشون تصافى كل اللي صار نشوف ليت شارة On passe maintenant en France. En février 1954, avec Boris Vian, qui écrit sa chanson antimilitariste Le Déserteur, sous forme d'une lettre adressée à Monsieur le Président par un homme ayant reçu un ordre de mobilisation. Il révèle son intention de déserter et d'inciter les gens à suivre son exemple. Vian est alors très loin d'imaginer l'accueil glacial qu'elle recevra. Mais il se trouve qu'en 1954, en France, l'année est marquée par les conflits coloniaux. En mai, la France essuie la défaite de Dien Bien Phu en Indochine. Puis en novembre, c'est le début de la guerre d'Algérie. Vian confie l'interprétation de son déserteur à Mouloudji, qui demande alors à Vian de modifier son texte, notamment la fin, pour en faire un texte beaucoup plus pacifiste. À la base, Vian avait écrit « Prévenez vos gendarmes que j'emporte des armes et que je sais tirer ». Mais Mouloudji chantera « Prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer ». Ça change complètement l'esprit de la chanson puisque ça devient vraiment un chant pacifiste. J'ai une petite question sur Boris Vian. Il était littéraire, il écrivait des chansons, mais c'était aussi un peu un jazzman, non ? Il jouait de... Tu sais de quel instrument il jouait ou pas ? Je sais pas, mais le jazzman, c'est toi qui t'y connais le mieux, je pense, Pierre-Julien, donc tu peux nous expliquer. Non, je retire un peu le... Non, pas la couverture, mais plus vers voilà, le sujet de l'émission. Bon, c'est vrai qu'à la base, on parlait de jazz, il y avait ce côté un peu... alternative, voire avec un côté un peu psychosocial, socio-historique. Et c'est vrai que bah, Boris Vian, c'était un grand amateur de jazz aussi. Quoi. Oui, et surtout de jazz dans les années où Saint-Germain-des-Prés en fait, était très, un lieu vraiment reconnu par les artistes jazzman qui venaient du monde entier. Et joueurs de jazz. Hein. Et c'était dans les années 50. C'est ça, à l'époque, Juliette Gréco. Avec Maxime. Tout à fait. Ah, mais ouais. Et donc Boris Vian. On en parlait l'autre fois en plus. C'était quoi le café de jazz qui était un peu connu là à Montmartre, à Saint-Germain-des-Prés, je sais pas quoi. Il y en avait un, c'était, j'ai plus le nom, mais c'était dans une cave. Le Tabou. Voilà, exactement. Comment c'était ? Le Tabou. Le Tabou. Voilà. Le tabou. Oui. Bon, on n'en parle pas du coup, hein, du Tabou. L'année suivante, c'est Boris Vian qui interprète lui-même sa chanson, après Mouloudji, et c'est cette interprétation-là qui va mettre le feu aux poudres, en 1955. Son plus farouche opposant est le conseil municipal de la Seine, qui obtiendra la censure pure et simple de la chanson, interdite de diffusion à la radio jusqu'à la fin de la guerre d'Algérie en 1962. Le Déserteur est par la suite devenu un hymne de lutte du pacifisme, au-delà de son simple message initial antimilitariste, notamment grâce à la modification introduite par Mouloudji. Le Déserteur a connu un nombre de reprises phénoménales dans 45 langues différentes. Notamment à la fin des années 60, pendant la guerre du Vietnam, la chanson a été utilisée pendant des marches pacifistes. En 1991, elle a été également utilisée durant des manifestations contre l'intervention occidentale dans la guerre du Golfe. Dans Blue Dot Roots, on va vous passer une adaptation de Renaud, écrite en 1983 sur un ton très personnel. Deux ans plus tard, après son écriture, en 1985, Renaud est invité à Moscou, dans le cadre du Festival Mondial des Jeunes, pour donner une série de concerts dans ce qui était encore l'URSS. Lors de son deuxième concert, au parc Gorki, environ un tiers des 10 000 spectateurs présents se lèvent et quittent les lieux au moment où il entame le déserteur. Il s'agit alors d'une manœuvre des jeunesses communistes soviétiques en guise de protestation contre sa chanson. Mais le Parti communiste français va intervenir très rapidement auprès du Parti communiste soviétique pour dire qu'en fait, Renaud, il leur est très utile en France. Et renversement de situation, dès le lendemain, toute la presse russe rivalise de superlatifs pour louer la performance du chanteur. Une autre adaptation du Déserteur a été faite par Ferhat Meheni, un chanteur kabyle, en 1973. Meheni milite et chante pour faire reconnaître l'identité et la langue berbère en Algérie, et se retrouve plusieurs fois en prison à cause de son engagement. Ses activités vont cependant l'amener à un grand destin, puisqu'il fonde la Ligue algérienne des droits de l'homme en 1985. Puis en 2010, le gouvernement provisoire kabyle, qui est une association visant à promouvoir la Kabylie vis-à-vis de l'État algérien, dont il devient le président. C'est ce gouvernement provisoire qui a conçu le drapeau de la Kabylie en 2014, aujourd'hui adopté massivement et interdit par l'armée dans les immenses manifestations de 2019 contre Bouteflika. D'ailleurs, j'ai vu en début de semaine qu'un manifestant à Alger avait pris, je crois, 9 mois de prison pour avoir sorti le drapeau d'Algérie, quoi. Le drapeau kabyle, pardon. Ce drapeau-là. Comme quoi, le chant peut amener un destin hors du commun. Donc tout de suite, on va vous passer la version de Renaud et la version de Meheni en kabyle. Monsieur le Président, je vous fais une bafouille que vous lirez sûrement si vous avez des couilles. Je viens de recevoir un coup de fil de mes vieux pour me prévenir que les gendarmes s'étaient pointés chez eux. J'ose pas imaginer ce que leur a dit mon père, lui, les flics, les curés, et puis les militaires, les a vraiment dans le nez, peut-être encore plus que moi, dès qu'il peut embouler le vieil anard, il se gêne pas. Le vieil anard, il se gêne pas. Alors il paraît qu'on me cherche, que la France a besoin de moi, c'est con. Je suis en Ardèche, il fait beau, tu le crois pas. Je suis là avec des potes, des écolos marrants. On a une vieille bicoque, on la retape tranquillement. On fait pousser les chèvres, on fabrique des bijoux. On peut pas dire qu'on se crève, le travail c'est pas pour nous. On a des plantations pas énormes, 3 hectares. D'une herbe qui rend moins con, non c'est pas du Ricard. Non c'est pas du Ricard. Je suis un déserteur de ton armée de glands, de ton troupeau de branleurs. Ils auront pas ma peau, toucheront pas mes cheveux. Je saluerai pas le drapeau, je marcherai pas comme les bœufs. J'irai pas en Allemagne faire le con pendant 12 mois dans une caserne infâme avec des plus cons que moi. J'aime pas recevoir des ordres, j'aime pas me lever tôt. J'aime pas étrangler le borgne plus souvent qu'il ne faut. Plus souvent qu'il ne faut. Surtout ce qui me déplaît, c'est que j'aime pas la guerre. Et qui c'est qui l'a fait? Ben, c'est les militaires. Ils sont nuls, ils sont moches, et puis ils sont teigneux. Maintenant je vais dire pourquoi je veux jamais être comme eux. Quand les Russes, les Ricains font péter la planète, moi j'aurai l'air malin avec ma bicyclette. Mon pantalon trop court, mon fusil, mon calot, ma ration de topinambour et ma ligne Maginot. Et ma ligne Maginot. Gonfle pas, ni moi, ni tous mes potes. Je serai jamais soldat, j'aime pas les bruits de bottes. T'as plus qu'à pas t'en faire et construire tranquillos tes centrales nucléaires, tes sous-marins craignos. Et va pas t'imaginer, monsieur le président, que je suis manipulé par les rouges ou les blancs. Je ne suis qu'un militant du parti des oiseaux, des baleines, des enfants, de la terre et de l'eau. De la terre et de l'eau. Pour finir ma bafouille, je voulais te dire simplement que ce soir on fait des nouilles. À la ferme c'est le panard, si tu veux viens bouffer. On fumera un pétard et on pourra causer. On fumera un pétard et on pourra causer. On va replacer aussi le contexte de cette émission sur les champs de lutte par rapport à Radio Mon País, puisqu'en 2020, la radio fêtera ses 40 ans. Et il ne faut pas perdre de vue, même si nous, on est novices, hein, on ne se cache pas, ça fait deux ans qu'on fait l'émission. Ça a été une longue lutte, d'après les anciens. Une histoire qui vous sera racontée tout au long de l'année 2020 par la radio, avec plein de choses qui vont être mises en place. On va pas aller plus loin parce que on va pas tout déflorer le sujet. Mais c'est aussi un peu l'idée de rendre hommage. Alors il y a plusieurs facteurs qui ont fait qu'on fait cette émission. Il y a cette notion de rendre hommage à la radio de notre part. Il y avait surtout la grosse envie de Benoît de faire l'émission sur les champs révolutionnaires. C'est un vrai révolutionnaire, attention. Et d'ailleurs, il porte un pull rouge ce soir. Et puis ici, c'est la révolution. Enfin, ça va dans tous les sens. Hein. C'est impressionnant. Ouais. Moi-même, il a fallu que je révolutionne pour pouvoir passer 3 morceaux. Donc, ouais. Enfin, bref. Donc, c'était vraiment une idée et je tiens à lui rendre hommage parce que c'était un gros boulot pour aller chercher tout ça pour toutes ces anecdotes. On apprend plein de trucs. Donc, c'est super intéressant et ça tombe bien vraiment pour rendre hommage à la radio qui, elle aussi, a lutté. Bah, je te repasse la parole. Apparemment, tu as un long texte. Merci Stéphane pour cette intervention. Donc, tout à l'heure, on a passé 2 chants sur le coup d'État du général Franco, sur la guerre d'Espagne, quoi. Donc, en 1968, l'Espagne est sous la dictature de Franco. C'est alors que Louis Siac, un chanteur catalan de 20 ans, presque inconnu à l'époque, compose l'estaca, qui veut dire le puits en catalan. Il utilise la métaphore d'une corde attachée à un pieu pour symboliser la lutte du peuple contre l'oppression. La censure franquiste ne comprend pas la métaphore et autorise Liac à la chanter. Le texte souligne la force de l'action collective. Il faut se serrer les coudres pour parvenir à se défaire du pieu, en tirant tous ensemble dans la même direction. Cette chanson parle du grand-père Cisette, c'est le personnage principal de la chanson, et il est inspiré d'un personnage réel que Louis Siac a connu. C'est lors de ses parties de pêche que le grand-père Cisette ouvrit les yeux de Louis Siac sur les fondements et la réalité du régime franquiste. Dans la dernière strophe, une fois grand-père Cisette mort, son interlocuteur devient alors responsable de la diffusion des idées de liberté auprès des nouvelles générations. J'ai une petite question, excuse-moi, mais est-ce que c'est un chant qui est repris par ce qui se passe en ce moment en Catalogne? Je vais en parler tout à l'heure. Effectivement, il est repris, ouais. Je vais en parler. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de voir Louis Siac dans sa tournée d'adieu à l'Olympia à Paris. C'est assez émouvant, quoi. Alors, par contre, les Catalans, s'ils pouvaient éviter de bloquer les autoroutes quand je prends le car, c'est bien. Non. Bon, en début de semaine, c'était pas bloqué, j'ai pu passer. C'est bon, on peut y aller. En 1969, un an après sa sortie, l'Espagne réalise alors que la chanson est une métaphore pour le franquisme et interdit à Yac de la chanter. En 1970, l'année d'après, au moment d'interpréter l'estaca à Madrid, en plein cœur du pouvoir franquiste, Liac se met au garde à vous, seul face à la scène, en expliquant que Franco l'avait interdite. Son pianiste égrène alors quelques notes, et c'est la salle de 3000 personnes qui chantent à sa place. Malgré tout, peu après, Liac est contraint à l'exil, et il vivra en France jusqu'à la mort de Franco. Il est accueilli notamment par l'Olympia à Paris, et c'est pour ça que lors de sa tournée d'adieu, son avant-dernier concert, avant de faire son dernier concert à Barcelone, il le fera à l'Olympia à Paris. Aujourd'hui, cette chanson est un des grands symboles catalans. L'Estac est aussi devenu l'hymne officiel de l'USAP, l'équipe de rugby de Perpignan. D'accord. Ok, bon bah... Et comme pour le chanteur Kabyle tout à l'heure, cette chanson va également offrir à Louis Siac un destin politique, puisqu'il est, élu député en 2015 et qu'il préside actuellement le conseil consultatif chargé de réfléchir à une constitution pour la Catalogne. Elle est à nouveau beaucoup chantée dans les nombreuses manifestations qui ont lieu actuellement en Catalogne en protestation contre la condamnation de 9 à 13 ans de prison contre 9 de leurs dirigeants politiques associatifs. Si je peux me permettre une petite remarque, il y a un truc qui est intéressant là-dedans, c'est qu'en Espagne, un artiste qui passe dans la politique, c'est possible, quoi. En France... Un artiste qui passe en politique, ça s'est pas super bien passé. En Italie. Italie, le fondateur du mouvement 5 étoiles, c'est un humoriste. On parle d'artiste. Hein. Devenu un hymne à la liberté, à la résistance, cette chanson est un des chants de lutte qui a été le plus surpris dans le monde. Je pense qu'après Le Déserteur, ça doit être la chanson qui a eu le plus d'interprétations de toute la playlist de ce soir. Donc tout de suite, parole à Isabelle. Donc pour poursuivre, en 1978, la Staka fut reprise et adaptée par Jacek Kaczmarski en Pologne. Alors soviétique, toujours, sous le titre de Muri, les murs en polonais. Le chant devint alors l'hymne du syndicat Solidarnosc. Il faut souligner que Solidarnosc n'est pas un obscur syndicat polonais. C'est un des acteurs principaux qui a lutté contre le parti communiste polonais et l'URSS dans les années 80 et a contribué à sa chute. Son président, Lech Walesa, a ainsi obtenu le prix Nobel de la paix en 83 et a été élu président de la République en 1990. Les paroles de cette chanson sont dans le même esprit que les vers originaux de Louis Liac. Elles parlent de faire tomber les murs. En 2010, Yasser Jardi, musicien tunisien, s'empare à son tour de l'estaca et propose Dima Dima, toujours toujours. Une version en arabe à la fois romantique et très mélancolique. Reprise la même année par la chanteuse Emel Matloutli, Dima Dima fut un des airs de la révolution de Tunisie en janvier 2011, contre le président Ben Ali, qui s'enfuira ensuite le 14 janvier en Arabie Saoudite. L'année suivante, juste retour des choses, la chanteuse Emel Matlouti interprète la chanson en public à Barcelone, sur les terres où Luis Llach composa l'Estaca 44 ans plus tôt. Donc maintenant, on va vous faire écouter une version de l'Estaca en ska par le groupe basque Betagari et les deux adaptations polonaises et tunisiennes Muri et Dima Dima. Natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, z nad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas, by runął mur. Śpiewali wraz z nim. Wyrwij mu, co zęby kradł. wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali, nie klaskali ry, jak wystrzał poklaski brzmiał i ciążył w łańcuch, zwlekał świt. On wciąż śpiewał i grał. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany powam pat, a góry rudą, rudą, rudą i pokrzepią stary świat. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany powam pat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Aż zobaczyli, ilu ich poczuli siłę i czas i z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami miast. Spalali pomniki i rwali w chłop. Ten z nami, ten przeciw nam, to sam, ten nasz najgorszy wróg. A śpiewak także był sam. نحلف بارك البناية ليقطع الحجر يذوب اللي رجلي ومحفايا واللي تعبوا من المكتوب. نحلف بميل البحارة بالشمس والريح والصحاب. نحلف بالموجة الغدارة لا على حبك منتوب. لا Yeah. Pour continuer, on va partir un petit peu de l'autre côté de l'Atlantique, donc en Amérique du Sud. Le 11 septembre 1973, l'armée chilienne, avec à sa tête le général Augusto Pinochet, prend le pouvoir par la force. Le président légitime, actuel donc du Chili, Salvador Allende, se donne la mort dans le palais présidentiel assiégé. Ce coup d'État marque les débuts d'une longue période de dictature pour le Chili. C'est deux mois auparavant, en juillet 1973, qu'est enregistrée pour la première fois la chanson « El Pueblo Unido Jamás Será Vencido ». La musique est composée par Sergio Ortega, les paroles écrites et interprétées par le groupe Quilapayún. Lors du coup d'État, les artistes sont en tournée en Europe. Ils se produisent notamment à l'Olympia le 15 septembre 1973. Ils feront le choix d'y rester et comme pour des milliers d'artistes et intellectuels chiliens, leur exil durera 15 longues années. El Pueblo Unido s'impose rapidement comme la chanson emblématique de la lutte pour la démocratie au Chili. Cette chanson est toujours bien vivante puisqu'elle est également fortement reprise dans les manifestations de l'automne 2019, d'ailleurs que connaît le Chili en ce moment. Oui, voilà. El Pueblo Unido devient au fil du temps symbole d'unité et de solidarité populaire à travers le monde, dépassant son rapport direct avec le Chili. Reprise par des interprètes de nombreuses nationalités, la chanson a également été adaptée par beaucoup de mouvements révolutionnaires, notamment au Portugal, durant la révolution des œillets en 1974, puis en Iran lors de la révolution de 1979 ou en Ukraine durant la révolution orange de 2004. C'est dans Blue Dot Roots, c'est justement la version en Iran qu'on va vous faire écouter, interprétée en farsi par Chapor Bastansiar. Donc le titre est Barbakiz, qui veut dire lève-toi en farsi. Je pense que j'ai une prononciation du farsi horrible. C'est une version chantée lors de la révolution iranienne de 1979. Il faut savoir que cette révolution est initialement une révolution de tout le peuple contre le régime autoritaire du Shah, mis en place en 1953 par un coup d'État orchestré par la CIA et le MI6, donc les services secrets américains et anglais. Dans cette révolution, il y avait alors communistes, intellectuels, anarchistes et religieux. Et ce sont finalement les plus organisés qui ont imposé leur projet à l'Iran pour en faire une république islamique. Ce qui est rigolo d'ailleurs, c'est qu'à la base, on se dirigeait vers une révolution qui était purement communiste et ça a été complètement récupéré par des extrémistes islamistes. Par les mieux organisés en fait, comme souvent dans les révolutions, c'est là ça... Ouais. C'est pas la première fois que ça arrive aux communistes. Hein. Non, mais c'est, enfin, on en parlait tout à l'heure par rapport à 1933 ou autre, part en URSS, enfin, en Russie, souvent ils étaient sur la dernière ligne droite, ils se sont fait doubler. Quoi. Donc l'auteur de cette adaptation, Chapor Bastansiar, est aujourd'hui en exil en Suède. Stéphane ? En Suède. Ah, c'est à moi. J'ai droit à la parole, alors je n'ai que 5 minutes pour. Sinon, la censure va frapper. On a bien vu que tout à l'heure Pinochet a essayé de censurer. C'est ça. C'est ça, tu l'as vécu comme ça. Un petit peu. Oui, alors le morceau que je vous présente, alors c'est un morceau de lutte, mais alors c'est un microcosme de lutte en fait. Donc le groupe, c'est un groupe punk des années 70 londonien, Sham 69. Alors ils sont calés sur Pueblo Unido. C'est pas vraiment l'air, c'est un peu l'air, c'est pas les paroles. Enfin voilà, ils se sont fortement inspirés pour écrire leur texte. Et en fait, ce texte, ils l'ont écrit à la fois parce que ça leur faisait, c'était des refrains repris dans les tribunes anglaises, tribunes de foot, et aussi parce qu'à cette époque-là, durant leurs concerts, ils étaient noyautés, enfin le public était noyauté par des groupes fascistes. Et eux, c'était un groupe plutôt d'ultra-gauche, donc ils avaient un peu des problèmes, ils jouaient et tout ce qu'ils chantaient, tout ce qu'ils faisaient était repris par l'extrême droite. Et donc ils ont écrit cette chanson qui s'appelle If the Kids Are United. C'est en gros de dire, si on est unis, on arrivera à les virer de la salle. Donc c'est vraiment du microcosme, on est sur une petite révolution dans une salle de concert, quoi. Et leur idée, c'était ça, c'était de virer leurs fans qui n'étaient pas tolérés. Donc tout de suite, les versions iraniennes Barbakiz et Kids Are United. Il y a un jingle. My Bushman. On va parler cette fois d'un chant très particulier, puisqu'il s'agit d'un chant élaboré pour une œuvre de fiction qui a par la suite été repris dans plusieurs luttes dans le monde. Et son auteur en est encore plus surprenant, puisqu'il s'agit de Michel Sardou. Grand révolutionnaire. Grand révolutionnaire, effectivement. Donc en 1980, la comédie musicale Les Misérables. C'est pas lui qui chantait « On pense encore à toi, au Buana », tu sais, les colonies, tout ça. Je ne connais pas bien Michel Sardou. Moi non plus. Donc là, tu ne nous auras pas sur ce coup. On t'aurait dit oui, effectivement. Tu nous as dit, ah, t'es coup Sardou, mais... Le coton, le pétrole, nous, on en a pas. Mais en France, nous, on pense. C'est tellement horrible, ces paroles, putain. Désolé. Donc en 1980, la comédie musicale Les Misérables est l'adaptation du célèbre roman de Victor Hugo. C'est Michel Sardou qui en interprète la chanson finale « À la volonté du peuple ». Les paroles font référence à l'insurrection des Républicains en 1832 à Paris contre la monarchie. La comédie musicale est ensuite traduite en anglais en 1985 et tourne depuis dans le monde entier, et tourne encore. Cette chanson a été utilisée dans de nombreuses protestations dans le monde. Vu les idées de Sardou, je ne pense pas qu'il ait écrit cette chanson dans cette optique-là à la base. Par exemple, lors de la révolution de Maïdan en 2014 en Ukraine, cette révolution fait suite à la décision du gouvernement irakien de ne pas signer un accord d'association avec l'Union européenne. Ouais, alors j'ai quand même, je ne vais pas défendre Sardou, mais il pouvait avoir des idées révolutionnaires dans le sens où il n'était pas forcément dans le mouvement de l'ordre établi. Oui. D'accord. Non, mais voilà, il a revendiqué des choses qui, effectivement, des fois étaient mal comprises ou bien comprises, mais c'était révolutionnaire dans le sens où il n'était pas du côté des bien-pensants. On peut dire que c'est une forme de révolte. C'est une forme de révolte. On a des exemples concrets à donner à nos auditeurs. Oui, quand la chanson sur la peine de mort, par exemple, où il explique, et là c'est vrai que c'était dans une logique plus où les gens étaient contre la peine de mort, et lui, il a balancé qu'il était pour, enfin, par rapport à cette chanson, dans des cas précis. Et là, c'était allé à contre-courant de ce qui se faisait de plus en plus. Mm-hmm. C'est une forme de révolte. Après, il avait des choses à dire, il les a dites, on est en démocratie. Donc il y a de la révolte réactionnaire on pense, je sais pas. En tout cas, cette chanson à la volonté du peuple a aussi résonné à Hong Kong en 2014 dans une version en cantonais lors de la révolution des parapluies pour réclamer davantage de démocratie. Comme la version originale de la chanson, son adaptation, évoque le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et elle résonne à nouveau en ce moment même, en 2019 et ce mois-ci, lors des immenses manifestations déclenchées suite au projet de loi permettant des extraditions vers la Chine. Depuis, il ne cesse d'être entonné par les Hongkongais. Elle a par exemple retenti lors de la spectaculaire occupation de l'aéroport de Hong Kong en août dernier. Il y a des vidéos où on voit les Hongkongais entonner cette chanson qui sont assez impressionnantes. Et alors, je me permets aussi, là, il ne faut pas oublier non plus l'histoire de Hong Kong. C'est-à-dire Hong Kong, à la base, c'est... Tout à l'heure, tu as commencé l'émission avec le chant des partisans, le côté rouge, le côté blanc. Après, c'est pareil, là, on est quand même sur une notion où tu as la Chine, donc rouge, et les blancs se sont exilés à Hong Kong. Donc on est toujours sur cette dualité entre le camp rouge et le camp blanc. Mais aujourd'hui quand même, quand on parle d'une loi d'extradition des Hongkongais vers la Chine, on les envoie en gros, si tu ouvres ta gueule, tu vas en prison en Chine, quoi. C'est un peu ça. Si la loi passait, effectivement, c'est ça. Après, la loi a été retirée grâce aux manifestations, mais c'est l'idée, oui. À quel prix d'ailleurs ? Il y a eu quand même des sacrées heures, quoi. Enfin, et ça continue toujours. En ce moment, il y a toujours le siège de l'université à Hong Kong qui continue. Donc, les autorités chinoises ont cherché à supprimer toute mention de cette chanson sur Internet. Elle est bloquée sur la principale plateforme de streaming musical en Chine. Et elle a été retirée de l'album de la comédie musicale qui tourne en Chine. Pour les manifestations actuelles, une reprise en cantonais circule sur YouTube, qui a été tournée en ce moment même. On y voit des choristes tenant des bougies et sans que l'on voit leur visage, vraisemblablement pour éviter toute reconnaissance faciale. Donc tout de suite, on va vous passer à la version en cantonais. Parce que la reconnaissance, je suis désolé, je viens là-dessus, mais c'est vrai que la reconnaissance faciale, c'est un truc aussi en Chine qui commence à se développer, quoi. Les commerçants qui ont pas payé leurs factures, les mecs qui ont pas payé leurs impôts, tout ça, on arrive à les reconnaître et ils payent plus cher. Ils sont en train de mettre en place un truc, ou alors ils peuvent pas prendre un billet d'avion. Ça a déjà pris son envol. Hein. Ils sont en train de mettre un système de points, de bonus, oui. Et en fonction du nombre de points que t'as. En Chine, oui. Il y a des points. Tu peux prendre le train. Il y a beaucoup de journalistes en Chine qui ont une notation pourrie, qui du coup ne peuvent plus se déplacer ni en train ni en avion parce que ils sont blacklistés. Pour se loger, pour travailler, pour tout en fait, et ça va arriver aussi vers chez nous. Hein. C'est Black Mirror, quoi. Ouais, c'est Black Mirror, un peu ça. Hein. Donc tout de suite, à la volonté du peuple, en version cantonais. Par contre, le truc, c'est que tu rentres tout seul ce soir. Enfin, je veux dire, t'as pas peur, les services secrets chinois. Il faut s'en méfier. Hein. Non, parce que là, t'as balancé quand même. Et puis, ça se trouve, à Hong Kong, ils captent... Ils écoutent Blood at Root. Ils vont entendre le morceau. Ouais. Moi, je dis ça. Ils vont venir chercher Benoît. Ouais. Mais ils n'ont pas l'adresse de Radio Mompaï, c'est pas le nom de famille de Benoît. Donc, ça va aller. Ils le trouveront. Ça va bien. Ils vont faire le lien avec les Catalans, tout ça. Bref. Donc, qu'est-ce qu'on écoute, Benoît? On écoute Do You Hear the People Sing. Donc, c'est une version adaptée en cantonais en anglais par les Hongkongais. Donc Benoît, on a fini la remontée chronologique des chants de lutte. C'est ça, en fait, on s'est d'abord focalisé sur les chants de lutte qui ont été adaptés dans plusieurs pays, dans plusieurs langues. Donc c'était un peu le point central de l'émission. Et puis maintenant, on va faire des chants de lutte, mais qui ont été repris souvent plusieurs fois dans différentes luttes du même pays. Quoi. Ouais. Et avec un lien quand même, tout ce qu'on a vu, avec l'actualité qui est quand même omniprésente. Quoi. C'est ça, l'actualité omniprésente. On a vu qu'il y avait beaucoup de chansons qui étaient reprises en 2019. Quoi. Mais c'est bien, parce qu'on était à la fois sur l'hommage à la radio sur les 40 ans et à la fois une émission d'actualité. Alors là, on va repartir très loin. Alors, il y a une personne qui me fait des gestes bizarres. Je crois qu'il faut que tu rapproches le micro, Stéphane. Ah, d'accord, on c'est ça. Pas bien. Ok. Tous. Bien. Si vous m'entendez, on repart. Alors là, pour le coup, c'est une chanson que j'ai pu passer de haute lutte. Il a fallu revenir à charge plusieurs fois. Et qui va faire lien avec aussi le thème de Buddha Truth, de par son interprète. Donc c'est la Cucaracha. Alors la Cucaracha, dans l'idée, elle a eu plusieurs vies, même si elle a fait vraiment que deux pays, l'Espagne et le Mexique. Il faut savoir que c'est peut-être une des plus anciennes des chansons que tu passes ce soir. Je crois que c'est la plus ancienne. C'est la plus ancienne, puisqu'elle date a priori de la guerre de la Reconquista. J'essaie l'espagnol pour voir si Pierre-Julien a une réaction sur ma façon de parler espagnol. Espagnol seconde langue, non? Seconde langue, jamais. Espagnol. Non. Espagnol voyage. Espagnol toast, tu sais. Tu vois, t'as pesé ton équipement avant de venir. C'est un petit tacle. Donc, ça vient de la guerre contre les morts. Donc, en 1400. C'est ça, 15e siècle. Quand la Catalogne était toute petite. On en a parlé. Avant que l'Espagne existe vraiment. D'ailleurs. Avant que l'Espagne existe vraiment. Hein. Donc, ça date de cette période. Elle a été reprise après, lors des guerres carlistes. Donc, ça, c'était des guerres de succession entre Bourbons. Au 19e siècle en Espagne. Au 19e siècle en Espagne. Et les Espagnols, donc, l'ont importée au Mexique. Et au Mexique, il y a eu plusieurs vies aussi. D'abord, c'était un chant des armées républicaines contre l'empereur Maximilien, qui était défendu d'ailleurs par la France, cet empereur mexicain. Et ensuite, donc, arriva la Révolution mexicaine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au sein de la Révolution mexicaine, la chanson, en fait, suivait l'émergence ou la disparition des protagonistes. C'est-à-dire, ça a commencé, elle parlait de Diaz, qui était le président dictateur. Et puis, elle a parlé de Carranza, elle a parlé de Pancho Villa, de Zapata. Dès qu'il y avait soit un ennemi de la révolution, soit un nouveau révolutionnaire, et bien, il était intégré dans la chanson. Donc, plusieurs vies pour cette chanson, plusieurs significations aussi de la cucaracha. La signification basique, c'est une blatte. Ça pouvait être aussi Carranza. C'est Carranza, enfin, je vois plus, il faut que je vois. Enfin, un des personnages de la Révolution, non, c'est Huerta, excusez-moi. De par son aspect physique, qui donc, voilà, les gens le brocardaient. Y en a même qui expliquaient que la cucaracha, ça pouvait être Pancho Villa, qu'elle était étendue dans sa voiture, on voyait les mains et les jambes qui dépassaient. Et puis, in fine, la cucaracha, ça veut dire aussi la marijuana. Donc, vous choisissez un peu tout ça. Au choix. Le lien avec Buddha Truth, c'est qu'on va vous passer un morceau de la cucaracha interprété par Louis Armstrong. Donc, maintenant, on va passer au Portugal en 1971. Donc, Grandola Vila Morena est une chanson composée en 1971 par Zeca Afonso, qui raconte la fraternité des habitants de Grandola, une ville au sud du Portugal, alors dirigée par le dictateur Salazar. Elle fut considérée comme exaltant les idées communistes et censurée. Le 25 avril 1974, peu après minuit, les auditeurs de l'émission Limite sur les ondes de radio Renascença n'en crurent pas leurs oreilles. C'est cette chanson interdite que diffusait la station de l'Église catholique portugaise. Dans les casernes, quelques centaines de militaires attendaient ce signal pour grimper sur les jeeps et dans les chars d'assaut et rouler vers le centre de Lisbonne. Quand le jour s'est levé, 41 ans de dictature avaient pris fin. Les Portugais dansaient dans les rues, embrassaient les militaires démocrates et leur tendaient des œillets rouges. Cette chanson est ainsi associée à la révolution des œillets et à la restauration de la démocratie au Portugal. Son impact ne s'est pas restreint à l'immédiat post-révolution, puisqu'elle est depuis régulièrement entonnée dans de nombreuses manifestations politiques au Portugal. En 2013, cette chanson a été fortement reprise lors des manifestations massives pour s'opposer à l'austérité imposée par le gouvernement, après qu'un groupe de députés de gauche a chanté cette chanson en pleine assemblée des députés. Donc tout de suite, la cucaracha de Louis Armstrong et Grandola Vila Morena de Banda 365. right away, you are. Nicaragua, Nicaragua, play it on your guitar. Nicaragua, Nicaragua, bring the band away, you are. Nicaragua, Nicaragua, play it on your guitar. Oh, this one, parlé. Radio Mon Pays, Blue Dot Roots, il reste une toute petite dizaine de minutes, même 5-6 minutes. Pour conclure, avant de conclure cette spéciale champ de lutte, on va annoncer les deux prochaines émissions, si on ne change pas de planning, comme d'habitude. Normalement, on va se retrouver le 27 décembre. Alors, je ne sais pas s'il y aura toute l'équipe. Il faut savoir quand même que ça fait... J'ai oublié de dire, dans les facteurs qui ont fait qu'on faisait cette émission, ça fait quand même deux émissions qu'on n'a pas le quatrième, c'est-à-dire notre DJ à la base principale. Qui... DJ Bisou, hein, de mémoire. DJ Bisou, il s'appelle DJ Bisou, il a disparu de la circulation. A priori, là, il essaye, je dis bien, de récupérer une interview de NTM pour une future émission de rap. Mais quand même. Oui, parce qu'il est à Paris pour le concert de NTM. Là, il est dans sa Benz, il zoom zoom zen, tu vois. Enfin, parce qu'il a une bonne vieille tête de gangster, comme on vous disait. Donc, bisous à toi, DJ Bisou, on pense à toi. Des bisous. Donc, si tout se passe bien, le 27 décembre, une émission proposée par Pierre Julien, spécial chant de Noël. J'ai proposé le thème, pour l'instant, c'est vous qui composez la playlist. Donc, chants de Noël qui iront du gospel au rap, c'est-à-dire qui suivront le thème de notre émission. On a déjà pas mal, il y a de la soul, il y a du funk, du blues, il y aura de tout. Vraiment, ça peut être assez surprenant, mais il y aura de tout, du rap. Et ça va faire la deuxième émission de suite où on va commencer par, ce soir, Blue Dot Roots, une émission spéciale. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Et il y aura même, je dirais, celle d'après, en janvier, donc le quatrième vendredi de janvier, qui sera aussi une émission spéciale. On va essayer de faire une émission spéciale Toni Morrison, grande écrivaine, considérée comme une des plus grandes écrivaines américaines, décédée en 2019. Et donc, pour rendre hommage, et vu que ça coïncide aussi avec la musique qu'on aime vous faire découvrir, passer deux heures avec elle. Donc ça, c'est pour fin 2019, début 2020. On remercie Benoît pour cette spéciale lutte. Merci à Aurélie et Isabelle d'être intervenues également. Merci à Pierre-Julien pour la technique. Et on va finir cette émission par un retour au Chili. Victor Jara est un Chilien, un membre du Parti communiste, et c'était un des principaux soutiens du président Salvador Allende lors de son élection en 1970. Il a été arrêté par les militaires lors du coup d'État du 11 septembre 1973, emprisonné et torturé avec de nombreuses autres victimes de la répression qui s'abat alors sur le Chili. Il est ensuite assassiné après avoir eu les doigts coupés par une hache. Ultime peine pour un guitariste. Alors par contre, excuse-moi, c'est crade quand même. Je voulais me remercier moi, parce que tu ne m'as pas remercié. Et on ne va pas passer le rap Mapouche. Merci Stéphane. Ça te dérange si on change tout et qu'on mette le rap Mapouche, histoire de... On peut mettre le rap Mapouche. Ouais, si, ça serait bien quand même, parce que c'était pas mal. Et en fait, ça faisait le lien avec le début de l'émission, c'était le commandant Marcos. Je sais pas, là je suis intervenu, je viens d'y penser. Hein. Mais finis ce que tu viens de dire. Et Donc, du coup, on va sauter le droit de vivre en paix de Victor Jara et on va passer à Resistencia Mapuche. Donc, on reste au Chili, en fait. Oui, reste au Chili. Donc, les Mapuche, pour que vous soyez, pour expliquer, c'est un peuple autochtone d'Amérique. C'est le seul peuple à avoir réussi à résister aux conquistadors espagnols. Ils ont finalement été vaincus par l'armée chilienne en 1883. Suite à quoi, l'État chilien leur a volé 95% de leurs terres. Puis à favoriser l'installation de colons sur leur terre. Et Resistencia Mapuche est un chant de Wenu Mapu et Subverso qui raconte une histoire du peuple Mapuche depuis la colonisation espagnole jusqu'à nos jours. Et de notre côté, on vous dit bonsoir avec Blue Dot Roots sur ce titre. Bonsoir et à bientôt.